Chapitre 72e. Voyage aérien. Gilbert était ainsi préparé à son débarquement dans le jardin ennemi. C'est ainsi qu'il qualifiait tacitement la maison de Tavernet. Et de sa lucarne, il explorait le terrain, avec l'attention profonde d'un habile stratégiste qui va livrer la bataille, lorsque dans cette maison, si muette, si impassible, une scène se passa qui attira l'attention du philosophe. Une pierre sauta par-dessus le mur du jardin et vint frapper en angle le mur de la maison. Gilbert savait déjà qu'il n'y avait point d'effet sans cause. Il se mit donc à chercher la cause, ayant vu l'effet. Mais Gilbert, quoiqu'en se penchant beaucoup, ne put apercevoir la personne qui de la rue avait lancé la pierre. Seulement, et tout aussitôt, il comprit que cette manœuvre se rattachait à l'événement qui venait d'arriver. Seulement encore, il vit s'ouvrir avec précaution l'un des contrebands d'une pièce du rez-de-chaussée et, par l'entrebâillement de ce volet, passer la tête éveillée de Nicole. À la vue de Nicole, Gilbert fit un plongeon dans sa mansarde, mais sans perdre un instant de vue l'alerte jeune fille. Celle-ci, après avoir exploré du regard toutes les fenêtres et particulièrement celle de la maison, Nicole, disons-nous, sortit de sa demi-cachette et courut dans le jardin comme pour s'approcher de l'espalier où quelques dentelles séchaient au soleil. C'était sur le chemin de cet espalier qu'avait roulé la pierre que, non plus que Nicole, Gilbert ne perdait pas de l'œil. Gilbert la vit crosser d'un coup de pied cette pierre, qui pour le moment acquérait une si grande importance, la crosser encore devant elle, et continuer enfin ce manège jusqu'à ce qu'elle fût au bord de la plate-bande sous l'espalier. Là, Nicole leva les mains pour détacher ses dentelles, en laissa tomber une qu'elle ramassa longuement, et en la ramassant, s'empara de la pierre. Gilbert ne devinait rien encore, mais en voyant Nicole éplucher cette pierre, comme un gourmand fait d'une noix, et lui enlever une écorce de papier qu'elle avait, il comprit le degré d'importance réelle que méritait l'aérolithe. C'était en effet ni plus ni moins qu'un billet que Nicole venait de trouver roulé autour de la pierre. La rusée l'eut bien vite déplié, dévoré, mis dans sa poche, et alors elle n'eut plus besoin de regarder rien à ses dentelles. Les dentelles étaient sèches. Gilbert, cependant, secoua la tête en se disant, avec cet égoïsme des hommes qui déprécient les femmes, que Nicole était bien réellement une nature vicieuse, et que lui, Gilbert, avait fait acte de morale et de saine politique en rompant si brusquement et si courageusement avec une fille qui recevait des billets par-dessus les murs. Et en raisonnant ainsi, lui, Gilbert, qui venait de faire un si beau raisonnement sur les causes et les effets, il condamnait un effet dont peut-être il était la cause. Nicole rentra, puis ressortit, et cette fois, elle avait la main dans sa poche. Elle en tira une clé. Gilbert la vit un instant briller entre ses doigts comme un éclair, puis aussitôt, cette clé, la jeune fille la glissa sous la petite porte du jardin, porte de jardinier située à l'autre extrémité du mur de la rue, parallèlement à la grande porte usitée. « Bon, dit Gilbert, je comprends. Un billet et un rendez-vous, Nicole ne perd pas son temps. » Et Gilbert fronça le sourcil avec le désappointement d'un homme qui a cru que sa perte devait causer un vide irréparable dans le cœur de la femme qu'il abandonnait et qui, à son grand étonnement, voit ce vide parfaitement rempli. « Voilà qui pourrait bien contrarier mes projets, » continua Gilbert, en cherchant une cause factice à sa mauvaise humeur. « N'importe, » reprit Gilbert, après un autre moment de silence. « Je ne suis point fâché de connaître le remortel qui possède les bonnes grâces de Mademoiselle Nicole. » Mais Gilbert, à certains endroits, était un esprit parfaitement juste. Il calcula aussitôt que la découverte qu'il venait de faire, et que l'on ignorait qu'il eût faite, lui donnait sur Nicole un avantage dont il pourrait profiter à l'occasion, puisqu'il savait le secret de Nicole avec les détails que celle-ci ne pouvait nier, tandis qu'elle soupçonnait à peine le sien et qu'aucun détail ne venait donner un corps à ses soupçons. Gilbert se promit donc de profiter de son avantage à l'occasion. Pendant toutes ces allées et venues, cette nuit si impatiemment attendue arriva enfin. Gilbert ne craignait plus qu'une chose, c'était la rentrée imprévue de Rousseau. Rousseau le surprenant sur le toit ou dans l'escalier, ou même encore Rousseau trouvant la chambre vide. Dans ce dernier cas, la colère du Genevois devait être terrible. Gilbert crut en détourner l'écho à l'aide d'un billet qu'il laissa sur la petite table à l'adresse du philosophe. Ce billet était conçu en ces termes. « Mon cher et illustre protecteur, ne concevez pas de moi une mauvaise opinion, si malgré vos recommandations et même vos ordres, je me suis permis de sortir. Je ne puis tarder à rentrer, à moins qu'il ne m'arrive quelque accident pareil à celui qui m'est arrivé déjà. Mais au risque d'un accident pareil et même pire, il faut que je quitte ma chambre pour 2 heures. » « J'ignore ce que je dirai au retour, » pensait Gilbert, « mais au moins M. Rousseau ne sera pas inquiété ni mis en colère. » La soirée fut sombre. Il régnait une chaleur étouffante, comme c'est l'habitude pendant les premières chaleurs du printemps. Aussi le ciel fut-il nuageux, et à 8h30, l'œil le plus exercé n'eut rien distingué au fond du gouffre noir qu'interrogeaient les regards de Gilbert. Ce fut alors seulement que le jeune homme s'aperçut qu'il respirait difficilement, que des sueurs subites envahissaient son front et sa poitrine, signe certain de faiblesse et d'atonie. La prudence lui conseillait de ne pas s'aventurer en cet état dans une expédition où toute la force, toute la sûreté des organes étaient nécessaires, non seulement pour le succès de l'entreprise, mais même pour la sûreté de l'individu. Mais Gilbert n'écouta rien de ce que lui conseillait l'instinct physique. La volonté morale avait parlé plus haut. Ce fut elle, comme toujours, que le jeune homme suivit. Le moment était venu. Gilbert roula son petit cordeau en 12 cercles autour de son cou, commença, le cœur palpitant, à escalader sa lucarne, et s'empoignant fortement au chambranle de cette même lucarne, il fit son premier pas dans la gouttière, vers la lucarne de droite, qui, comme nous l'avons dit, était celle de l'escalier et se trouvait séparée de l'autre par un intervalle d'environ 2 toises. Ainsi, les pieds dans un conduit de plomb de 8 pouces de large au plus, lequel conduit, bien que soutenu de distance en distance par des crampons de fer, cédait sous ses pas, à cause de la mollesse du plomb, les mains appuyées sur les tuiles auxquelles il ne fallait demander qu'un point d'appui pour l'équilibre, mais nullement un soutien en cas de chute, car les doigts n'avaient pas de prise, voilà quelle fut la position de Gilbert durant le trajet aérien, qui dura 2 minutes, c'est-à-dire 2 éternités. Mais Gilbert ne voulait pas avoir peur, et telle était la puissante volonté de ce jeune homme qu'il n'eut pas peur. Il se souvenait d'avoir entendu dire à un équilibriste que pour marcher heureusement sur les chemins étroits, il ne fallait pas regarder à ses pieds, mais à 10 pas devant soi, et ne jamais songer à l'abîme qu'à la manière de l'aigle, c'est-à-dire avec la conviction qu'on est fait pour planer au-dessus. Gilbert, au reste, avait déjà mis en pratique ses préceptes dans plusieurs visites à Nicole, à cette même Nicole, si hardie maintenant, qu'elle se servait de clé et de porte au lieu de toit et de cheminée. Il avait ainsi passé sur les écluses du moulin de Tavernet et sur les poutres du toit dénudé d'un vieux hangar. Il arriva donc au but, sans un seul frémissement, et une fois arrivé au but, se glissa tout fier dans son escalier. Mais arrivé sur le palier, il s'arrêta court. Des voix retentissaient aux étages inférieurs. C'était celle de Thérèse et de certaines voisines qui s'entretenaient du génie de M. Rousseau, du mérite de ses livres et de l'harmonie de sa musique. Ses voisines avaient lu la nouvelle Héloïse et trouvaient ce livre grâbleux, elles l'avouaient franchement. En réponse à cette critique, Madame Thérèse leur faisait observer qu'elles ne comprenaient pas la portée philosophique de ce beau livre. Ce à quoi les voisines n'avaient rien à répondre, si ce n'est de confesser leur incompétence en pareille matière. Cette conversation transcendante avait lieu d'un palier à l'autre, et le feu de la discussion était moins ardent que celui des fourneaux sur lesquels cuisait le souper odorant de ces dames. Gilbert entendait donc résonner les arguments et rissoler les viandes. Son nom prononcé au milieu de ce tumulte lui causa un frisson désagréable. « Après mon souper, » disait Thérèse, « j'irai voir si ce cher enfant ne manque de rien dans sa mansarde. » Ce cher enfant lui fit moins de plaisir que la promesse de la visite lui fit de peur. Heureusement, il réfléchit que Thérèse, lorsqu'elle soupait seule, causait longuement avec sa dive bouteille, que le rôti semblait appétissant, que l'après-souper signifiait « à 10 heures ». Il n'en était pas 8h15. D'ailleurs, après souper, selon toute probabilité, le cours des idées de Thérèse aurait changé et elle penserait à tout autre chose qu'au cher enfant. Toutefois, le temps se perdait, au grand désespoir de Gilbert, lorsque tout à coup un des rôtis alliés brûla. Un cri des cuisinières alarmées retentit, cri d'effroi qui rompit toute conversation. Chacun se précipita vers le théâtre de l'événement. Gilbert profita de la préoccupation culinaire de ces dames pour glisser comme un sylphe dans l'escalier. Au premier étage, il trouva le plomb disposé pour recevoir sa corde, l'y fixa par un nœud coulant, monta sur la fenêtre et se mit lestement à descendre. Il était suspendu entre ce plomb et la terre quand un pas rapide retentit sous lui dans le jardin. Il eut le temps de se retourner en se cramponnant au nœud et de regarder quel était le malencontreux survenant. C'était un homme. Comme il venait du côté de la petite porte, Gilbert ne douta point un instant que ce ne fût le remortel attendu par Nicole. Il concentra donc toute son attention sur cet autre intrus qui venait l'arrêter au milieu de sa périlleuse descente. À sa marche, un soupçon de profil esquissé sous le tricorne, à une façon particulière dont ce tricorne était posé sur le coin d'une oreille qui paraissait de son côté fort attentive, Gilbert crut reconnaître le fameux beau-sire, cet exempt dont Nicole avait fait connaissance à Clavernet. Presque aussitôt, il vit Nicole ouvrir la porte de son pavillon, s'élancer dans le jardin en laissant cette porte ouverte, et rapide comme une bergeronnette qui court, légère comme elle, se dirigeait vers la serre, c'est-à-dire du côté vers lequel s'acheminait déjà M. Beau-Cyr. Ce n'était pas le premier rendez-vous de ce genre qu'avait lieu, selon toute certitude, puisque ni l'un ni l'autre ne manifestait la moindre hésitation sur le lieu qui les réunissait. « Maintenant je puis achever ma descente, » pensa Gilbert, « car si Nicole a reçu son amant à cette heure, c'est qu'elle est sûre de son temps. André est donc seul. Mon Dieu, seul. » On n'entendait en effet aucun bruit, et l'on ne voyait qu'une faible lumière au rez-de-chaussée. Gilbert, arrivé au sol sans accident aucun, ne voulut pas traverser diagonalement le jardin. Il longea le mur, gagna un massif, le traversa en se courbant, et arriva sans avoir pu être deviné à la porte laissée ouverte par Nicole. De là, abrité par un immense aristoloche qui grimpait jusqu'au-dessus de la porte et la festonnait amplement, il observa que la première pièce, antichambre assez spacieuse, ainsi qu'il l'avait deviné, était parfaitement vide. Cette antichambre donnait entrée à l'intérieur par deux portes, l'une fermée, l'autre ouverte. Gilbert devina que la porte ouverte était celle de la chambre de Nicole. Il pénétra lentement dans cette chambre en étendant les mains devant lui de peur d'accident, car cette chambre était privée de toute lumière. Cependant, au bout d'une espèce de corridor, on voyait une porte vitrée dessinée sur la lumière de la pièce voisine, les traverses qui enfermaient ces vitres. De l'autre côté de ces vitres, un rideau de mousseline flottait. En s'avançant dans le corridor, Gilbert entendit une faible voix dans la pièce éclairée. C'était la voix d'André. Tout le sang de Gilbert reflua vers son cœur. Une autre voix répondait à celle-là, c'était celle de Philippe. Le jeune homme s'informait avec sollicitude de la santé de sa sœur. Gilbert, en garde, fit quelques pas et se plaça derrière une de ces demi-colonnes surmontées d'un buste quelconque qui formait à cette époque la décoration des portes doubles en profondeur. Ainsi en sûreté, il écouta et regarda, si heureux que son cœur se fondait de joie, si épouvanté que ce même cœur se rétrécissait au point de n'être plus qu'un point dans sa poitrine. Il écoutait et voyait.